Avoir un roulement de tambour, s'il vous plaît. Surprise. Il y a quelqu'un. Salut. Pourquoi t'es venu ici? Tout va bien. Alors il faut que tu sois honnête avec moi. J'ai hâte de voir ta tronche quand on l'aura dégoté. Dis donc, t'as vachement bien géré. Et maintenant ou jamais. Ça ira mieux demain. L'émission. Parce que les séries de demain commencent aujourd'hui. Accompagnez-moi. Ne laisse rien faire obstacle à ce qu'il fait vibrer. Soyez à mes côtés. Bienvenue au palais. Mais y a rien que tu désires vraiment plus que tout au monde. Ça ira mieux demain. L'émission. Fadjet. Ça ira mieux demain. L'émission. Que la fête commence, les amis. Et la fête commence avec cette semaine. Nous allons revenir sur la nouveauté de cette semaine sur Canal+. Vous l'avez vu sur les panneaux d'affichage, les petits, les grands, La Fièvre, la nouvelle série à la mode de Canal+. Un beau succès, vous allez voir. Et c'est une série qui a le mérite d'exister et qui va plaire aux fans, notamment de tous ceux qui ont apprécié la série politique Baron Noir, car c'est signé par la même équipe. Alors, ça n'a rien à voir avec des blessures ? Non. Parce que tu as dit un bobo succès, je me suis dit, il fait un jeu de mots. Non, parce que c'est un peu bobo, enfin, voilà. C'est un peu bobo. Un peu la France bobo, et encore, voilà. Ah, donc il y avait bien... Il y avait un petit clin d'œil, mais c'est aussi dans le domaine du foot, vous voyez, on y reviendra dans quelques instants. Il y aura aussi une série sur Abraham Lincoln. Ça s'appelle Manhunt, c'est sur Apple TV+, une belle série historique dont on n'a pas entendu beaucoup parler et dont je vous en toucherai quelques mots. Ça a l'air sympa, j'ai pas vu, mais la bande-annonce, voilà. Grand personnage. Une belle fresque historique. Ouais, un personnage historique. Qui me fait penser, mais alors... Parce que c'est l'époque, hein, à une belle série dont nous avions tous les deux adoré. C'est, tu l'as ? Est-ce que tu l'as, cette série que nous avions adorée sur l'époque d'Abraham Lincoln ? Nord et Sud. Exactement. Tu vois, même là, il a des points. Voilà, Nord et Sud. C'est un peu dans cet esprit-là. Patrick Swayze, inoubliable. Exactement, inoubliable. Donc voilà, ça pourrait... Leslie Undown. Voilà, ça me fait penser un peu à cela. Linda Gray. Ouais, qui était déjà là, Linda. Ouais, Patrick Dufy, à un moment donné, intervient, si je me rappelle bien. Exact. Oui, bah, il a même le casting, alors que dire. Oui. Non, mais moi, c'est, ce feuilleton-là, il m'a marqué. Ça mais pourrait être un moment souvenir dans Cultissime. Merci. La semaine prochaine, nous ferons Nord et Sud. pas forcément cette prochaine, mais voilà. Ah non, mais si, parce que c'est en fait cette fresque qui était conçue sur 6 épisodes et le succès était tellement énorme qu'ils ont débordé. Ça devait se concentrer sur la guerre de sécession. Mmh. Et on a eu une deuxième saison où là les stars se sont battus pour être dans la deuxième saison et voir bien les suites de cette fameuse guerre de sécession. C'est un des grands feuilletons des années 80. C'était magistral, franchement. Magnifique. J'ai adoré. Enfin bref, ça m'a fait un peu penser à ça, la bande-annonce. Donc je sais pas, ça pourrait être une belle épopée aussi, ce Manhunt, parce qu'en fait Manhunt, c'est le surnom que l'on nommait Abraham Lincoln. Et donc je voudrais faire un petit parallèle avec la première série là, de Canal+. La Fièvre. La Fièvre. C'est dans l'univers du foot. Oui. Et tu nous mets un t-shirt du cyclisme. Ah, c'est bon, arrêtez. Un maillot de l'équipe de France. Oui, j'aurais pu. Alors, le foot, c'est demain soir. France-Allemagne, si vous voulez tout savoir. Il y a du foot. Ah, c'est pour ça que tu ne mets pas ce soir. Voilà. Ah, d'accord. Je viendrai chez toi, alors. D'accord, ça marche. Bref, en attendant, on est en retard. Obsessed. Mais ça veut dire pourquoi, obsédé. Pourquoi obsessed ? Parce qu'il y a... Alors, il y a plusieurs prononciations de ED en anglais. Je sais pas si vous savez. Voilà. Elle fait son bac d'anglais. Hein, non, t'as toujours pas compris que non. Mais je plaisante. C'est obsessed. Obsessed, d'accord. Oui. Alors là, écoutez. Il y a certains moments où il faut dire le ED différemment. Alors, madame. ED, D ou T, c'est ça les prononciations. Madame la professeure, moi, je tiens à vous préciser que moi j'ai fait playback. Hein, c'est pas moi qui pourrais vous contredire, mais je me permettais de poser la question, ça m'étonnait. Donc là, je viens d'apprendre un truc. Donc, voilà, obsessed. Exactement. Vous dormirez moins bête. Obsess. Merci. Hein, au passage, elle nous met un claque derrière les oreilles. Donc, c'est du Olivier Rodrigo, j'adore. Il l'a choisi pour moi, il connaît bien mes goûts. On l'écoute. Et c'est son nouveau single tiré de son dernier album. Voilà, Obsess. Obsessed. Obsessed. Voilà. Allez, on écoute. Et ça veut dire Rodrigo. Ça veut dire obsédé. Obsédé. Voilà, donc voilà. On n'aurait pas pu appeler ça obsédé, non. She's been asleep on my side of your bed, and I can feel it. I'm staring at her. She's got those hips, the life of every fucking party. She's talented, she's good with kids, she even speaks kindly about me. Alors si comme moi en ce moment vous avez des coups de pompe, vous avez envie de dormir, la chanson là elle passe, vous êtes réveillé. Hein. Ouais, ça fait très rock, très. Oui, oui. Et en même temps, ça fait du Billie Eilish un peu. Un peu Billie Eilish, oui, oui, effectivement. Oui. En fait, elle était obsédée par ses ex, c'est ça. Waouh, hein, voilà. Bravo, hein, bonne vu, traduction. Hein. Voilà, c'est pour alors, ceux qui n'ont pas moi, compris. Mais ouais, j'ai apprécié la musique, mais alors les paroles, il faudra me faire une traduction. Moi, j'aime beaucoup de la musique, mais je trouve qu'elle ressemble beaucoup à une autre de ses chansons. Je n'ai plus le titre au moment, là, mais. Oui, c'est la première, là. Enfin, une qui est sortie aussi. Une de l'album Goods, là. Je trouve qu'elle ressemble vachement à ça, parce que la musique est pareille. Mais elle est très bien, j'aime beaucoup. Allez, avant de s'attaquer à nos séries de la semaine, La Fièvre et Manhunt, quelques mots sur Max. On en a parlé ce matin avec Davy de l'arrivée de Max. Non pas Max la menace, ni Max le copain de Jonathan et Jennifer Hart. Max, c'est la nouvelle plateforme de téléchargement qui va arriver ce printemps et qui va concurrencer donc Disney+, Prime Video et Netflix. Et on fourmille d'idées, on fourmille d'annonces, puisqu'après avoir annoncé l'arrivée en Europe, eh bien pour le 21 mai 2024, c'est quand même bientôt, et en France, elle devrait arriver courant de l'été, où on aimerait bien avant, en tout cas avant les Jeux Olympiques, de Paris, donc le 26 juillet prochain. Alors là, c'est la période où moi je crois que je vais manger encore plus de séries. Hein, parce que effectivement là, ça va être un peu. Alors pourquoi je vous dis cela et en lien avec ce qu'annonçait Davy ce matin, il y a actuellement à Lille le festival Sérimania. Yes. Généralement, tu nous en faisais écho dans les yes. dans les saisons précédentes de Destination yes. Série. Yes. Et là, eh bien, on a appris en même temps que Max arrive au printemps cette nouvelle plateforme, eh bien, que 3 séries françaises sont déjà annoncées sur Max. Il y en a une dans des styles complètement différents. Il y a la première, une mini-série en 4 épisodes qui s'appelle « Une amie dévouée ». Dans le rôle principal, on y verra Laura Calami incarner le rôle de Christelle, une femme qui va devenir la pierre angulaire d'une association de victimes de l'attentat du Bataclan dans la nuit du 13 novembre 2015, en mentant sur sa présence au moment de l'attaque terroriste. C'est le point de départ de cette femme qui va se faire un peu pas plaindre, mais alors qu'elle n'y était pas. Voilà. Ça, c'est pour la première série, donc, qui s'appelle « Une amie dévouée ». Une autre qui s'appelle « Maltidos ». Maltidos, puisque vous connaissez votre espagnol par cœur, ça veut dire le titre de travail. Une série en 7 épisodes créée par Jean-Charles Huet et Olivier Prieur, qui se déroulera donc dans le sud de la France. C'est là, dans une ville située au bord du littoral, que la chef d'une communauté de gitans et ses 2 fils vont tenter par tous les moyens de sauver leur clan de l'exclusion en raison de la montée des eaux. Et donc on aura Jean-Charles Huet qui réalisera les 5 premiers épisodes et Cecilia Verheyden les 2 derniers. Vous voyez donc des séries assez connotées dans la réalité du terrain, entre les attentats du Bataclan, là on est sur les gitans qu'il faut sauver des eaux. Et la troisième, eh bien, c'est l'adaptation en série du livre « Vivre avec nos morts » de la rabbine Delphine Horviller, déclinée en 8 épisodes. La série suivra Léa, 28 ans. Bonne fête à toutes les Léas qui nous écoutent, c'est leur fête aujourd'hui. Une des rares femmes rabbins de France qui se retrouve dans le labyrinthe de petites et grandes questions sur la vie des gens. Mais comment être un guide pour les autres quand on est soi-même aux prises avec les fondamentaux de l'amour, de la famille et en quête de sens? Voilà toute l'histoire de Vivre avec nos morts. Donc 3 belles séries pour fonder les séries françaises sur Max, la prochaine plateforme. Donc arrivée dès le mois de juillet en France et au mois de mai en Europe. Mais la nouvelle version, parce que là, cette semaine, j'ai mis sur les réseaux, sur mon Facebook et le Facebook de l'émission, j'ai mis une photo du nouveau Zorro, oui, avec Jean Dujardin. Alors, effectivement. Et pareil, avant d'arriver sur France 2, ça va être disponible sur une plateforme. Ah, exact. Alors, rien à voir avec celle dont on a parlé la semaine dernière, hein. La version espagnole où on a donc Matt Pokora qui fait la bande originale, la chanson générique. Là, effectivement, on a entendu parler ce matin de Jean Dujardin qui va incarner Zorro et ça sortira avant la fin de l'année sur France Télévisions, mais peut-être avant également sur une plateforme. Sur Paramount Plus. En fait, ils ont fait cette série en coproduction avec la plateforme Paramount Plus. Paramount Plus, c'est un peu Max, non? Ça va devenir Max. Parce que Paramount Plus, c'est la Warner aussi, non? Alors là, je peux pas te confirmer le truc, mais non. En tout cas, je pensais que oui, c'est Warner et Paramount. C'est normalement, dans l'article, pour moi, il parlait de Max. Donc pour moi, oui, c'est pour ça que j'étais surpris que tu n'aies pas Zorro dans. En tout cas, non, j'ai pas Zorro dans. Pour l'instant, ils ne parlent pas de Zorro sur Max. Et pourtant, ils ont fait, tu vois, France TV, ils ont fait une promo cette semaine où on voit. T'as l'impression que c'est Guy Williams, hein. Sur la photo Jean Dujardin, là, tu regardes, je vois de loin, mais l'affiche fait très, dans le Zorro de Guy Williams, il avait cette position-là, le cheval qui cabre. Qui cabre, on a l'impression, oui, de voir l'affiche du... Alors, et puis, alors, quand tu regardes le visage de Jean Dujardin, t'as l'impression que c'est Guy Williams. Donc, quelque part, tu sais, je suis intrigué. Si ça va dans ce sens-là, avec un petit clin d'œil à cette série mythique que, alors Antonio Banderas, j'ai rien contre lui, mais pour moi le vrai Zorro à l'heure actuelle, c'est Guy Williams. Ouais. La série a peut-être vieilli, je veux bien entendre certaines critiques, mais là, si c'est vraiment un clin d'œil à ce qu'on a connu, ça peut être intéressant. Donc on va manger du Zorro, hein, entre la version espagnole qu'on attend sur Amazon Prime, en attendant France Télévisions et France 2 pour la fin de l'année, on aura sans doute Max, le Zorro de Dujardin sur Max en septembre peut-être. Alors, il y a Laurent Cyberman qui nous dit « Le costume et la réplique de celui de Guy Williams, c'est un bon signe. » Tu vois que je ne suis pas le seul à garder comme repère cet acteur inoubliable. Dans quelques instants, on va très vite un focus parce qu'il est déjà 19h20, mais je voudrais juste vous repasser quelques notes de musique de Rem. Pourquoi j'ai ressorti cette chanson ? Tu m'as dit que tu avais faim. « We all go back to where we belong ». Eh bien, cette chanson-là, je l'ai entendue mercredi soir dans le doc. Je ne l'ai pas entendue par Rem, je l'ai entendue par une chorale d'enfants. Ça m'a tiré des larmes, c'était magnifique. C'est pour ça que je vous dis que cette série est pas assez mise en valeur et aurait mérité certainement une plus forte audience. Je n'ai pas retrouvé la version, pourtant en chasamant, j'ai réussi à avoir effectivement la chanson, mais je ne l'ai trouvée nulle part. Mais c'est une adaptation de cette chanson de Rem, et donc je vous passe quelques notes de l'original en hommage au Doc qui aurait dû faire beaucoup plus en audience. I dreamt what you were offering. Imagine lying next to me, your shirt and your reputation toss. I will write our story in my mind and write about our dreams and triumphs. This might be my innocence lost. I can taste the ocean on your skin. Cette chanson-là chantée par d'un cœur d'enfant, voilà, vous fondez. Déjà là, c'est une très jolie balade, mais chantée par des enfants, c'est encore mieux. C'était Rem, il y a quelques années déjà de cela, Rem qu'on n'en entend plus beaucoup. Mais on disait pas R.E.M. Oui, R.E.M., oui, Rem, oui, R.E.M., oui, si tu veux. Hein? Parce que Orchestral Manoeuvre in the Dark, on disait O.M.D. Oui, Rem, oui. On dit REM, on dit REM. Excusez-moi. Oui, oui. C'est vrai. Allez, tout de suite. Précision. Les bandes annonces de cette semaine. Bienvenue au palais. Bienvenue au palais. Allez, à ma gauche, La Fièvre sur Canal+. À ma droite, Manhunt sur Apple TV+. La Fièvre, c'est quoi La Fièvre ? Eh bien, c'est l'histoire de la fièvre qui débute au moment de la remise du prix du football français. C'est classique. Une star y est attendue, Fodé Thiam, le joueur vedette du Racing et le grand favori de la cérémonie. Pourtant, il dérape. Le voilà qui se lève, met un coup de tête à son coach et le traite de sale toubab, sale blanc en wolof. Avant de quitter les lieux rapidement, le président du club, François Marins, va donc devoir gérer une crise qui ne tarde pas à dépasser le monde du football. Pour cela, il fait appel à une équipe de communicants dont fait partie Sam Berger. Cette dernière, spécialisée en analyse sociologique, ne tarde pas à voir apparaître des signaux inquiétants qui lui font penser que la société française pourrait basculer dans le chaos. C'est précisément ce que va pointer la série tout au long de cette première saison, qui va montrer la fragilité extrême de notre société qui peut basculer à tout moment à cause d'un élément déclencheur, en apparence anodin comme un footballeur qui dérape. En effet, sur les réseaux sociaux, tout le monde va s'emparer de l'affaire Fodétiam, qu'ils soient des personnalités politiques, des spécialistes du football ou des militants. C'est ainsi le cas de Marie Ginsky, une néo-conservatrice clivante et ancienne collaboratrice de Sam, qui intervient tous les soirs sur l'actualité et qui manipule les foules pour les diviser. Voilà, c'est après Baron Noir un regard passionnant et inquiétant sur notre société. Et donc, au-delà du foot, voilà, on a peur de ce qui nous arrive. Voici la bande-annonce. Je suis François Marins, le président du Racing, le club de foot. On m'a conseillé de vous appeler parce que j'ai un joueur qui a mis un coup de tête à mon coach au trophée du foot. Seul tout bon. Fodétiam est un cadre respecté de l'équipe de France. Mais c'est encore pire. Ce soir, c'était le 11 septembre de leur vivre ensemble. En deux jours, l'intensité de la crise a explosé. Moi, je la connais bien, vous savez, elle cherche l'affrontement. Toujours plus hard, toujours plus de buzz. C'est un cauchemar. Ils ont trouvé un martyr avec leur faudé. Quand même, on a parlé de racisme anti-blanc. C'est qui, oh? Le foot, c'est une digue. Si ça cède, tout y passera. Vous pensez que je vais m'en sortir? Voilà, à voir sur Canal+, chaque semaine, avec, y a Benjamin Violet qui joue dedans, et puis c'est porté par magnifiquement Nina Meurice et Anna Girardot, deux femmes fantastiques, qui vont vous emmener au bord de ce chaos, et j'espère que vous résisterez à tout cela. De l'autre côté, une autre bande-annonce, on en parlait, qui m'a fait penser au Nord et le Sud. Voici la vie d'un homme particulièrement important, et les États-Unis ne seraient sans doute pas ce qu'ils sont aujourd'hui si cet homme-là n'avait pas existé. Voici Manhunt, la vie d'Abraham Lincoln. J'ai toujours su que j'avais des chances de devenir quelqu'un. Je vais devenir l'homme le plus célèbre du monde. Monsieur le Président, la Confédération n'est plus. L'Union a été sauvée. C'est terminé. On a tiré sur le président. Les témoins disent que c'était John Wilkes Booth. Le comédien ? Est-ce que tu sais qui je suis ? Je suis un symbole. Comment un comédien célèbre peut-il commettre un meurtre en public devant 1500 personnes et réussir à s'enfuir ? Trouvez le meurtrier de mon mari. Messieurs, je vous confie la mission de capturer John Wilkes Booth. Ce complot visait à porter atteinte à notre gouvernement. Je sais qui vous êtes, monsieur Booth. Vous allez nous aider ou pas? Il y a une prime sur la tête de Booth. Je compte embaucher cette prime. Booth est couvert par des agents secrets confédérés. Maintenant que Lincoln a tiré sa révérence, cette nation appartient aux hommes blancs. Je ne me rendrai jamais. Dieu m'en est témoin. Que Dieu bénisse l'Amérique. Ouais. Que Que Dieu bénisse l'Amérique, Abraham Lincoln, et c'est surtout l'après Abraham Lincoln, car vous avez bien compris dans cette bande-annonce qu'on va jouer au chat et à la souris avec son assassin, puisque c'est la fin de la vie d'Abraham Lincoln et la suite. On s'attelle à suivre Booth, ce fameux personnage important, acteur de théâtre, proche de la Confédération et ardent défenseur de l'esclavage. Et donc, pour voir cette partie de l'histoire de l'Amérique racontée dans cette très très belle série que je vous conseille sur Apple TV+, si vous avez la chance de la voir. On va se quitter avec une chanson qui me tient particulièrement à cœur. On l'a connu, Santa, avec le popcorn salé. Elle revient avec une chanson « Recommence-moi ». On n'attendait pas dans ce style-là. Ça me fait penser un peu aux chansons rythmées de Céline Dion. Voilà, c'est pour se quitter tout doucement avant de retrouver dans une demi-heure le Hot 40, bien sûr. On se retrouve, nous, tous les trois, dès la semaine prochaine, dès vendredi prochain, 18h. Et moi, dans le Hot 40, dans un peu moins d'une demi-heure. À la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Bye bye. On se quitte avec Santa. Recommence-moi. Je préfère danser avec mes silences pour tout recommencer en quelques pas de danse. Et s'il ne reste plus rien du tout et que tout tourne, tourne, tourne autour de nous, je t'écrirai une chanson pas comme les autres. Et si tout sans prière, et s'il reste plus